Édition de juillet 2014. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Je dois avouer avoir regardé plusieurs matchs de la Coupe du monde de soccer en juin, présentés ici par Radio-Canada, que je remercie, avec la participation de TVA Sport, poste inaccessible pour moi. Pause dans le projet Renier Aîné. Bien que Laurent se soit ajouté à la distribution, Eglantine, qui se chargeait de la narration, a donné sa démission. Elle est prête à reconsidérer selon ce que je dirai de ses enregistrements des chapitres 7 et 8. Mais l'incident m'a douloureusement rappelé le lot important de frustration qui vient avec tout projet collectif impliquant plusieurs interprètes. Je ne crois pas avoir besoin de ça dans ma vie en ce moment. Bref, je suis en sérieuse réflexion sur l'avenir de ce projet. Pour le moment, je penche sérieusement pour le sabordage de la chose. Passant chaque journée sans pluie, loin de l'ordinateur, je n'ai que peu fait de choses en audio. J'ai tout de même monté des articles de la page 4 de l'édition du 22 septembre du Progrès de l'Est, ainsi que le 16e épisode du PC Show avec Paul Courtemèche, mis en ligne le 26 juin dernier. Par ailleurs, dernièrement, cherchant à améliorer mon interprétation, je me suis mis à intégrer toutes les liaisons possibles et imaginables, jusqu'à ne plus savoir lesquelles étaient permises et lesquelles étaient interdites. Bref, j'ai passé 2 ou 3 heures la semaine dernière pour revoir les règles des liaisons en français. Tiré de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatreault, les éditions de l'avenir présentent Écho d'élection. Au cours d'une campagne électorale dans Montcalm, un orateur échevelé lance la phrase suivante. Oui, messieurs, voilà 8 ans que notre adversaire vous représente à Ottawa. Qu'a-t-il fait durant tout ce temps? Rien du tout. Il n'a pas même été capable de faire poser une rivière navigable dans le comté. Si vous élisez l'homme respectable que je représente ici ce soir, il en fera mettre 3 dans le comté. Alors, bonjour tout le monde, ici Jean Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Oh yes, ça commence à sentir les vacances. Et moi, pour ma capsule d'aujourd'hui, je fais mon paresseux. Je vous fais écouter un petit bout d'audio de Parlons Balado qu'on a enregistré lors de l'entrevue faite avec Yannick de Balado 0420. L'extrait est tiré d'une petite plug que l'autre JS, soit Jean-Sébastien Chapelot, a fait au sujet d'un nouveau podcast intitulé Sur la terrasse. D'une pierre deux coups, vous découvrirez un podcast et, si vous n'avez pas encore écouté Parlons Balado, ça vous donne un aperçu de quoi ça a de l'air comme ambiance. Mais ça, c'est sûr qu'on s'écarte pas mal du podcasting. Oh, ouais. Ah, mais... ben, regarde, c'est notre prochaine génération de podcasters, celui là qui est dans les CPE présentement. Là. Oui. Eux autres, ils vont vivre du podcasting. Ben, j'espère pour eux autres. Ouais, moi aussi. Sans joke, je leur souhaite. Si c'est pas le cas, regarde, le podcasting va être mort au Québec. Parce que, ce qui est important, là, c'est qu'ils fassent ça pour le plaisir. Oui, exactement ça. J'aime la voix que tu as pris pour le dire. Pour le plaisir. Pour le plaisir. On va y aller avec une petite chronique à JS, sa découverte podcastique de la semaine. Oh, ben, j'adore! Ouais. Fait que. Ben, c'est un podcast que j'ai découvert par hasard. Je pense que c'est Pierre-Luc de Trois-Bières qui a comme parlé de ça sur Twitter un peu. Ça s'appelle Sur la terrasse. Puis c'est un podcast qui est sorti, dans le fond, officiellement il y a 2 jours, je crois. Donc, le 17-18 juin dans ce coin-là. Donc, je sais pas si vous avez entendu parler un peu de ce podcast-là sur Twitter ou sur les intertubes. Ben, moi, je l'ai entendu parler tantôt par toi, ouais. Justement. Fait que ça, j'attendais aussi que tu m'en parles. Non, ah, je suis pas assez actif, j'ai pas d'appareil portable, hein. Fait que je fais du vol de temps à l'ouvrage, moi, pour faire ça. N'inquiète pas, moi non plus j'ai pas de téléphone. J'ai rien. Moi j'ai un téléphone, mais j'ai pas de ligne dessus, fait que j'ai juste des signaux Wi-Fi que je peux me servir. Ben, ça t'as un iPhone DTP, là? Non, mais c'est un vieux iPhone quand j'avais ma compagnie, puis quand j'ai vendu la compagnie, j'ai vendu le numéro, mais j'ai gardé l'appareil. Ouais, ben ma blonde a fait la même affaire. Fait que, ouais. Elle l'utilise sur le Wi-Fi, m'a dit comme toi. Continue, JS. Ben, écoute, c'est un podcast, dans le fond, à la base, c'est deux filles. Déjà, c'est original parce que des filles dans le podcasting, il n'y en a pas tant que ça. OK. Non, en effet, il en manque, je pense. Puis, il y a super de filles qui sont un peu en stand-by, là. Ça va revenir éventuellement. Mais en attendant, on est en manque ici. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a quand même des filles qui se lancent là-dedans. Puis c'est des filles dans la trentaine, donc c'est pas mal dans notre génération, justement. Tu parlais de ton âge tantôt, Yannick, là. Fait que dans le fond, ils sont jeunes, ils aiment vivre la vie, les petites choses de la vie, puis ils profitent. Ils en profitent au maximum. Puis dans le fond, c'est des amis dans la vraie vie. Fait que déjà, ça ajoute un peu de chimie. Parce que des fois, quand tu te connais pas dans la vraie vie, ça peut faire des podcasts qui sont un petit peu maladroits ou des choses comme ça. Fait qu'eux autres, oui, vu qu'ils se connaissaient déjà dans la vraie vie, là, le concept était facile. Puis c'est des discussions qui sont vraiment variées. Ils peuvent parler un peu de n'importe quoi, mais là, il y en a juste eu un qui c'est un podcast. Fait que c'est sûr que c'est difficile à évaluer, de savoir ça va être quoi les sujets, est-ce que ça va s'essouffler ou pas. Mais moi, j'ai l'impression que non, parce que justement, vu que c'est des amis de filles, tout ce qu'ils ont à faire, c'est plugger le métro, puis pas le métro, mais le micro, puis discuter tout simplement de leur journée. Puis ça peut faire quelque chose de bien intéressant, surtout qu'ils boivent généralement un drink avec ça. Oh, OK. Un carburant de la semaine. Exact. Puis le concept, dans le fond, ça s'appelle sur la terrasse. Fait que c'est sûr, il s'installe dehors sur une terrasse. On entend les bruits ambiants. C'est à Montréal. Fait qu'on entend un peu les bruits ambiants. On peut entendre le klaxon, on peut entendre des véhicules, n'importe quoi, le vent. Ça fait un peu différent un peu de ce qu'on entend des fois dans les studios. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Puis, pour vous donner une idée un peu des sujets, leur premier épisode, ils parlaient un peu de leur cheminement de vie, cheminement de carrière, comment ils ont fait pour se rencontrer ces filles-là, leur jeunesse, etc. Le projet futur pour ce podcast-là. Comment que la vie, des fois, est difficile. Puis, donner des exemples de sites Internet sur la vie de merde, qu'ils appellent, là. C'est un site français. Ouais. Donc, des témoignages drôles sur comment que la vie est difficile. Puis, enfin, c'est sûr que c'est drôle, là. C'est pas dépressif, là. C'est vraiment plus drôle que d'autres choses. Puis, comment se sortir, justement, d'une journée qui a mal été, avec des petits trucs qui ont commencé à gauche, à droite sur Facebook. Puis, ils ont même donné des terrasses à visiter sur Internet, à Montréal, justement, en montrant les sites Internet là, qu'ils ont mis sur leur site à eux. Donc, dans le fond, le concept est là. C'est mon genre de podcast. Ça jase beaucoup. C'est très amical, un peu à la Trois-Bières, justement. Moi, je suis vraiment intéressé par ce podcast-là. Le son est bon. Tu sais, des fois, les nouveaux podcasts, tu tweaks un peu dans ton son, tu as un peu de la difficulté, puis tu trouves ton rythme avec le temps. Mais eux autres, ils ont vraiment un bon son en partant. Comme je dis, c'est très à la bonne franquette parce que tu entends les sons en background, mais le son est quand même pur. Puis c'est très amical, très intéressant. Fait que je vous conseille vraiment de regarder ce podcast-là. Je pense qu'ils ont un bon départ. Puis ils ont déjà une petite tribune qui a été bâtie parce que je pense justement qu'il y a plusieurs podcasteurs qui s'intéressent à ça. Donc, je leur souhaite une bonne chance. C'est deux filles en partant. Oui, exactement. Fait que là, tout, en plus, ils sont célibataires, ils le disent sur leur site internet. Fait que, avis aux intéressés. Excuse, en tant qu'un gars qui a été quand même gérant d'artiste, il ne faut pas tout le temps croire ce qui est écrit sur un site internet. Hein? Oh non, c'est pas même ça marche. Non. Oh, moi, j'étais sûr qu'il fallait croire à 100% ce qui était sur internet. Ouais. Est-ce que ça ressemble à souper de filles? Oui, justement. Ça ressemble un peu au principe de souper de filles, sauf que c'est peut-être moins structuré. Parce que c'était souper de filles, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a c'est ça. Ouais, c'était bon, là, mais je dirais, je dis c'était comme si c'était fini. C'est pas fini, là, mais je dis c'est très structuré. On parle de notre semaine, après ça, on a notre sujet, puis on a notre sujet plus osé. Eux autres, c'est un peu n'importe quoi. Là. On discute un peu de notre semaine, mais on discute un peu comment on s'est rencontrés, puis voici un site internet intéressant, on va lire des commentaires. Fait que c'est très conversation normale, ça dure une heure environ. C'est comme une jasette dans le fond qui avait n'importe quand sur le bord d'un verre. Au lieu de boire trois bières, ils boivent un drink. Exactement, mais peut-être qu'il y en a eu plusieurs drinks, ça je le sais pas. Ouais. Mais avec un comme nous autres. Puis... C'est ça. Il y a peut-être un pre-drink puis un post-drink. Mais non, c'est ça. Fait que si vous avez aimé les podcasts vraiment de discussion avec une bonne chimie, qui n'a pas nécessairement un sujet prédéfini, donc justement plusieurs d'autres podcasts qu'on connaît tous, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Leur site internet, on va mettre ça sur notre site à nous autres. Puis on va retweeter ça là, sur nos Twitter là, pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Ils sont déjà sur iTunes, by the way. Ah oui? Ouais, même sur avec iTunes, juste un podcast. C'est bien fait, ça veut dire. Oui, j'allais chercher ce matin. C'est rare que les premiers podcasts se ramassent sur iTunes déjà. Oui, c'est ça. Ben, au début, je pense qu'ils avaient essayé de le mettre directement sur leur site ou je sais pas trop quoi. Puis ils n'étaient pas sur iTunes. Puis là, ils ont retweaké ça. Puis ce matin, ils étaient sur l'iTunes. Définitivement, je suis allé le chercher là pour le mettre sur mon iPod. Ça fonctionne très bien. Bon, ben c'est un à écouter. Exact. Peut-être un peu de fraîcheur pour en ce début d'été. Oui, en effet. C'est toujours bien des petits podcasts, des nouveaux podcasts différents un peu. Hein? C'est-tu pas cool, rien qu'un peu? Notez que Parlons Balado fait relâche cet été. Ça vous laisse le temps de reprendre votre retard sur les épisodes. Je vous rappelle que vos commentaires sont les bienvenus. Profitez de la période estivale pour aller mettre des étoiles sur iTunes, sur tous les bons podcasts que vous écoutez, pas juste votre favori. En ce qui concerne Épicure, je vous rappelle qu'il ne reste que quelques jours pour vous inscrire au tirage du shoot numéro 1 sur le géocaching. Pas besoin d'être géocacheur, et c'est même mieux. J'aurai en plus le plaisir de vous avoir donné l'épicure du géocaching. Notez qu'un épisode 2 est déjà sorti. Le shoot numéro 2 ne parle pas de géocaching, mais je discute avec un chevreuil de ma jeunesse. Pour tout commentaire, JSHAMEL99 à gmail.com. À vous, les studios. Merci, Jean-Seb. Suite du feuilleton, Mazas Pavel, Un monde en héritage, par André Bory. Voici ce qui s'est passé dans le dernier épisode. À bord du cœur de Fomalo, conseil de guerre où il est décidé que, pendant que Mazas, Steve et leurs amis vont jouer à cache-cache avec l'armada des Kerptiers qui approche, Kaleg Voram se rendra sur Karsak à bord de la mini-gazelle, demander l'aide des mercenaires et envoyer un message au centre Quinto, l'informant de l'arrivée prochaine des Kerptiers dans la Voie lactée. Pendant ce temps, sur la planète où la nef moissonneuse s'est posée pour compléter ses réparations, l'émir se voit confronté à deux indigènes qu'il désarme sans trop de mal. Il s'aperçoit alors que ceux-ci sont télépathes. À bord de la mini-gazelle, Kalec et Trégochère arrivent en vue de Karsak, où ils sont accueillis plutôt rudement. Pendant ce temps, à bord du cœur de Fomalo, Mazas et ses amis multiplient les sauts dans l'entre-espace, cherchant toujours la nef moissonneuse. Malheureusement,

Mais bon, voilà, mais du coup, tu vas devoir travailler. Je vais devoir travailler. Bon, et donc, nous sommes ici pour parler de Double E, que je pense la plupart d'entre vous connaissent. Et donc, de voir comment Nullbuck de l'écrit est en train maintenant d'envahir les écrans. Oui, voilà. C'est long, hein, mais on va y arriver. Avec, ce serait intéressant de savoir qui ne connaît pas le donjon de Nullbuck, comme ça je pourrais savoir. Ah voilà, il y en a un, deux. Comme ça, ce que je sais, c'est ce que j'ai besoin d'expliquer. Bon, il va falloir que tu changes ce que tu avais prévu. Ouais, j'avais prévu de rien expliquer du tout, donc c'est foutu. Bon, alors pour faire simple, donc le donjon de Malbuck, c'est une aventure multiplateforme, une aventure multimédia qui existe depuis 13 ans maintenant, qui est née sous forme de feuilleton audio que j'ai écrit et enregistré et joué moi-même, et qui a été décliné par souvent les hasards de la vie d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment un plan que j'avais prévu, sous forme de bande dessinée. On a les romans que j'écris qui évidemment sont c'est moi et mon support préféré puisque c'est un espèce de liberté totale. On en a parlé hier dans un autre tableau. Et puis évidemment comme je suis un joueur et Donjon d'Alme qui est né du jeu et non pas juste de l'univers fantasy, c'est né du jeu basé sur les univers fantasy ou inversement puisque ça se nourrit un peu l'un de l'autre. On a un jeu de rôle gratuit, on a un jeu de plateau. Et là donc, on a eu une proposition il y a 4 ans de faire une série animée télévisée avec donc ses joies et ses peines. Nous, on a choisi d'avoir que les joies, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi et d'écrire ça correctement en restant dans l'esprit de la série et avec l'auteur original, qui est donc moi. Voilà. Alors, bon, là tu étais quand même un peu vite, mais peut-être qu'il serait intéressant d'abord de savoir comment, à partir de ce qui est au début quelque chose qui est distribué gratuitement sur le net et qui est fait vraiment pour le plaisir, comment est-ce que de là on part pour arriver à ce qui a été qualifié de phénomène éditorial dans la bande dessinée? Est-ce que je crois que le premier album, c'est combien, 25 000 albums vendus instantanément en faisant la fortune d'un petit éditeur de BD? L'histoire de l'édition, parce que bon, moi donc j'ai toujours pensé que j'étais un auteur maudit avant même de me poser la question vraiment, mais j'ai diffusé le Donjon d'Alebuck en audio gratuit sur internet tout simplement parce que j'avais pas envie ni de chercher un éditeur ni d'essayer de convaincre un éditeur, et je pensais pas que ce que je faisais pouvait intéresser des gens. Donc je me suis dit bah c'est bien, j'ai un site, je fais des fichiers audio, je fais mes conneries, je les mets dans le site et ça intéresse des gens ou pas. Oui, c'est avéré que ça a intéressé beaucoup de gens. Et donc, à la suite de ça, au bout de quelques années, j'ai ma dessinatrice, qui à l'époque n'était pas ma dessinatrice, mais qui m'a dit ah, là, j'aime bien ce que tu fais, on pourrait faire un album dessiné. De là, elle m'a branché avec un éditeur. On a fait un premier tome, et le premier tome, il a été écoulé en 72 heures. Donc, au niveau de l'édition, c'est quand même un très bon score. C'est-à-dire que tout le tirage, le livre est sorti un jeudi, le samedi, il n'y en avait plus. Donc le dimanche, l'éditeur m'a dit « C'est la panique !» Voilà, donc c'était... et en plus, ce qui est très intéressant dans l'idée, c'est que mon nom de produit, qu'en est pas un, puisqu'il n'avait pas été pour ça, est absolument pas commercial, puisque la plupart des gens n'arrivent pas à le prononcer. Donc, le donjon de Nullbuck, bon, maintenant, évidemment, les gens qui le connaissent depuis 13 ans, ils connaissent bien, mais quand c'est sorti, tu parles de phénomène éditorial, c'était en fait un truc que les gens venaient acheter sans connaître le nom. C'était quand même particulier. Donc tu te retrouvais dans les librairies où les gens ils disaient « Bonjour, je voudrais acheter la tourelle de Blabenflaff. » Ou alors « La tour de Nuremberg aussi. » Ça c'est des libraires qui m'ont raconté. Et en fait, ils savaient toujours ce que les gens cherchaient. Il a cherché le donjon de Nullbuck. Et en fait, à l'heure actuelle encore, les gens qui font des recherches sur le net, ils arrivent à faire 6 fautes juste dans le nom de Nullbuck. Tellement c'est pas user-friendly. Donc voilà. Et en fait, cette BD, le tome 1, maintenant, il a dépassé les 250 000 exemplaires, je crois. Et il continue d'être vendu. Bon, il y a des gens qui découvrent la série comme ça. Mais les épisodes originaux en audio, en MP3, etc., sont toujours gratuits dans le site. D'accord. Et donc, alors, vous en êtes à 16 albums maintenant, je crois. Ouais, on a une dessinatrice très motivée. Voilà, elle travaille beaucoup, on fait un ou deux albums par an, et elle enchaîne, elle travaille, son dessin a beaucoup évolué depuis Thomas jusqu'à maintenant. Mais comme on sait, il ne faut jamais trop se pencher vers le passé quand on est dessinateur, parce que sinon tu ne fais que recommencer. Je pense qu'il y en a qui connaissent, là, on en a parlé aussi hier avec Olivier Perru et Pierre Dubois, tu peux jamais remettre en question ce que tu as fait dans la BD, parce que sinon tu sors jamais rien en fait. Mais donc voilà, effectivement on a 16 albums, enfin 14 albums de la série originale, 3 hors série, et moi du coup je travaille sur les romans tout seul avec la édition Octobre, qui est une grosse base de travail pour tout le reste. Parce que donc maintenant, c'est aussi 4 romans. Oui, 4 romans lourds qui font mal à la tête quand on tape avec. Oui, mais par contre, qui ne font pas du tout mal à la tête quand on les lit, parce que c'est vraiment un plaisir. Merci. Et on rit beaucoup. Enfin, je pense que je les convertis ici. Et donc, le donjon de Malbec dans son entreprise de conquête du monde, c'est aussi un jeu de rôle. Oui, un jeu de rôle gratuit que j'écris moi-même, qui me prend beaucoup de temps, mais c'est très gratifiant parce que ça permet d'avoir des retours de gens qui réécrivent l'histoire à leur façon en faisant des parties de jeu quotidiennement, parce qu'il y a quand même un peu plus de 10 000 joueurs de ce jeu en fait dans la francophonie. Donc le jeu de rôle. Oui, donc c'est. Et qui se décline à la fois sous la forme papier et sous la forme électronique. En fait, il est diffusé électroniquement, c'est un jeu de rôle papier à l'ancienne, mais on peut le jouer en version électronique, donc en ligne, avec des copains à distance, ou on peut le jouer sur table comme un jeu de rôle normal. C'est une énorme somme de travail au niveau de l'écriture, mais en même temps, ça pose des bases pour articuler tout le reste. Et d'ailleurs, bon, c'est dommage qu'on n'a pas Emmanuel avec nous, mais parce que en fait, c'est le sujet de la conférence, c'est quand même de l'écrit à l'écran, et on se rend compte quand on est écrivain, de littérature, que en fait, pour passer à l'écran, il y a tout un tas de processus casse-bonbons qui font qu'on aboutit très souvent d'ailleurs, à n'importe quoi. C'est ce que nous, on essaye de pas faire. Et pourquoi on aboutit à n'importe quoi? Puisque dans le processus de décision des gens qui font de l'audiovisuel, souvent on vire l'auteur original. Alors pour ceux vous qui regardez du cinéma américain, vous êtes souvent en train de vous poser des questions sur, quand vous voyez un film issu d'un livre, vous dites « Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Voilà, alors je peux en citer quelques-uns, mais par exemple « Je suis une légende », quand vous avez, ça fait rire, mais quand vous avez lu le livre, vous dites, mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le film n'a rien à voir avec le livre? Voilà. Alors c'est tout simple, parce qu'en fait, aux États-Unis, ils ne veulent pas de l'auteur original, parce que c'est un casse-couille. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on n'a pas voulu faire avec notre série. Donc Emmanuel, qui n'est pas là. Emmanuel, bonjour! Non, il est peut-être perdu. Emmanuel est directeur d'écriture d'une équipe de 7 scénaristes, qui en fait devait reprendre tout ce que moi j'avais écrit pour faire des épisodes. Alors on travaille, tu parlais de la gratuité, moi je travaille sans aucune contrainte quand je fais de l'audio, c'est-à-dire que MP3 je le mets gratuit dans mon site, qu'importe s'il fait 3 minutes, 6 minutes, 12 minutes 50, 24 minutes, 30 minutes, je le coupe en deux, j'en ai rien à cirer, de toute façon les gens le téléchargent ou pas. C'est pas important, s'ils en ratent un, et ben tant pis pour eux. Quand on travaille gratuit, on travaille sans contrainte. Et sur le format littéraire, c'est un peu pareil. Quand on écrit un bouquin, si on a envie de mettre une scène, on la met. Quand t'es dans l'audiovisuel, c'est pas ça. Déjà, t'as envie de mettre une scène, il y a toujours un pet couille qui fait non, mais ça coûte cher. Ou alors, ah oui, mais non, là on peut pas mettre ça. Ah oui, mais non, là faut aller à tel endroit pour filmer, etc. Donc ce qui donne des trucs complètement aberrants dans certaines. Mais bon, en fait, du fait que moi je participe à l'écriture, je suis à la validation de toutes les écritures de tous les épisodes, du coup, ça donne une cohérence de l'ensemble de la série audiovisuelle basée sur l'écrit. Alors, on va peut-être revenir sur la série audiovisuelle